écoutez sur les internets, bienvenue à cette toute première édition de The Gamer's Cask. On vous promet qu'on va trouver un nom en français d'ici le prochain épisode. Et puis on passe à la taverne du joueur. Vous nous enverrez vos commentaires sur les liens ci-dessous. Et puis, pour entamer le bal, j'aimerais commencer par la présentation. Vous êtes en compagnie de les frères Cassette et j'ai nommé Gilles qui vous parle ainsi que mon frère. Gaétan Cassette, heureux d'être présent. All right! Fait que c'est quoi le principe de la taverne du joueur? C'est bien simple, on a joué à un jeu vidéo, on vous en parle, mais qui dit jeu vidéo dit bière. Fait que le but, ça va être de discuter d'une bière, idéalement d'une microbrasserie québécoise, chose qu'on va faire ce soir. Oui. Et je vais laisser la parole à mon frère Gaétan pour nous présenter le jeu que nous allons discuter de. Oui, mais en fait, comme récemment, on a eu la sortie de Batman Arkham Origin, on s'est dit qu'on aimerait bien ça y jouer, mais malheureusement, on n'a pas accès à une copie. Donc, on s'est dit que pour se remettre dans l'univers de Batman, on va y aller avec le jeu qui venait juste avant, qui est Batman Arkham City. Donc, on l'a testé sur Xbox et PC, pour ceux qui sont intéressés. Ouais, pour les seuls, que les détails techniques sont très importants. Là, moi, ma Xbox 360, ben, elle marche. Ouais, tu sais, t'es un des seuls, là, elle marche. Oh, ouais, elle marche depuis qu'elle marche. Ouais, tu vois, c'est déjà ça. Puis, est-ce que c'est toi qui avais testé la version PC? C'est moi qui avais testé la version PC parce que c'est mieux sur PC. Mais je dis ça de même juste pour... On partira pas de débat. Ben non, c'est ça. La guerre des consoles, c'est pour un autre épisode. Oui. Alors, pour accompagner finalement Batman dans ses frasques et ses fresques de bataillage et de tuage de monde... Non, c'est pas vrai, il tue personne. Quelle bière avons-nous ce soir? Bien, c'est ça. Le concept aussi vient du fait qu'on se doit de choisir une bière qui va en ligne avec le jeu. On a fait le tour des dépanneurs et on a trouvé de la microbrasserie La Barberie, la Brasse Camarade. Donc, on s'est dit que comme Batman se battait souvent, le Brasse Camarade, c'était vraiment dans son univers. Donc, on va l'essayer. C'est une bière rousse forte sur lit. Donc, on va déguster ça. On aime bien ça. Fait que, ben, pour ta toute première émission de La Taverne du Joueur, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est notre premier cue audio sonore qu'on vous donne à l'instant même. Puis on va essayer d'avoir ça à répétition, tout le monde. On va essayer. On appelle ça le pchit de présentation. Comme vous pouvez constater, mes chers auditeurs, le bouchon, il est tellement mou qu'il ne veut pas s'enlever. Alors, on l'a... On l'a. Alors, le bouchon s'enlève très bien. Je trouve que c'est une bonne bouteille. Oui, La mienne est un peu gommante. C'est normal. On pense que c'est de la colle. Donc, ben, on te le souhaite surtout. Oui, sinon, vous savez où m'a retrouvé l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je vais être là. Je suis en train de faire couler la bière en ce moment, puis je trouve qu'elle a un bon débit de sa bière. Oui, elle se débite bien en verre. Très bien en verre. C'est excellent. Alors, mon verre de bière est versé. Toi, Gaétan? Il est versé, il est tout prêt. La mousse s'est atténuée. On peut y aller d'une première dégustation. All right, chin à toi. Chin. Et commençons le bal. Fait que là, l'histoire où on en est rendu présentement dans Arkham City, c'est que finalement, le docteur Hugo Strange a décidé de partir sur une balloune puis de contaminer toute la ville avec quelque chose qui rendrait le monde méchant. En gros, c'est à peu près ça. Puis il me semble, en tout cas, si je me souviens bien, parce que j'ai quand même joué au début du jeu, ça fait un bout, l'intro du jeu, on joue en tant que Bruce Wayne qui entre à l'intérieur de la prison d'Arkham parce que c'est le Joker qui lui avait dit de venir le voir. Ouais. Dans le fond, faut aussi préciser que la prison d'Arkham, la raison pourquoi ça s'appelle Arkham City, c'est que c'est la ville... C'est une partie de la ville qui est devenue la prison en tant que telle. Ce n'est plus comme dans le premier jeu Arkham Asylum, qui était vraiment une prison à lieu fermé sur une île. Là, c'est vraiment la ville au complet. Donc, qu'est-ce que Gotham City a à voir là-dedans si on parle juste de Arkham, là? C'est ça que je comprends pas. Ben, c'est justement ça le fait, c'est que la ville s'est transformée en la prison d'Arkham, donc c'est Arkham City, ce n'est plus Gotham City. Ah, comme si le cancer avait pris de l'ampleur, finalement. On peut voir ça comme ça. Ah, ben c'est quand même une belle analogie. Oui. Ben, toujours est-il qu'il fait très noir dans Arkham City, c'est très glauque, c'est pas très propre non plus, hein. Les coins de rue, les ruelles, il y a beaucoup de débris, de poubelles, et surtout de malfrats. Ah, ben ça vient avec. On s'entend, là, on parle de prison, on parle d'une ville un peu glauque, les malfrats viennent avec, tout les comment dire, les gens malsains de Gotham City sont ressortis, donc ouais, c'est pas une place le fun à aller. Et parlant de gens malsains dans Gotham City, on s'entend très bien que cette ville recèle de fous et de faim. Oui, oh oui. Chose qu'on peut, dans le fond, en parlant de vilains, on peut parler que dans le jeu, c'est pas un personnage méchant, c'est plusieurs personnages méchants qui sont là. C'est pas juste le Joker ou c'est pas juste le pingouin ou tu sais, ils sont là, mais vraiment tout le monde est là. Ouais, puis c'est ça qui est intéressant aussi de cette série-là, c'est justement comment on n'est pas juste en train d'effleurer la surface, là. On est carrément plongé dans l'univers de Batman. Tout le monde est là, tout le monde travaille plus ou moins ensemble, envers et contre tous, et puis ils ont chacun leur petite manigance à vouloir faire de leur côté. Ce qui interfère avec les plans des autres. Ouais. Et puis c'est ce qui force Batman finalement à courir de level en level, ouais, pour ben, les arrêter. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que tous ces ennemis-là ne sont pas nécessairement... Ils ne travaillent pas nécessairement ensemble, mais ils ont tous la même haine envers Batman, donc... Idéalement, ils vont tous s'entraider en quelque part, mais c'est pas un travail d'équipe, c'est pas tout le monde contre Batman, c'est plus tout le monde a son propre petit sa son petite revanche cachée. Ouais, c'est sa petite revanche personnelle qu'ils veulent faire à Batman, puis bon, ils vont finir par s'entraider pour y arriver. C'est pas pire, ça. Ouais. Alors, l'aventure commence quand finalement Batman finit par sortir de cette prison-là, se retrouve sur le dessus d'un bâtiment et il appelle Alfred pour lui venir en aide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ta soute qui tombe dans une espèce de petite torpille métallique. Ben oui, ça prend une bat-soute pour aller avec. Il faut quand même dire aussi que c'est ça, le moment où on est Bruce Wayne puis on escalade ce bâtiment-là pour se rendre au toit, c'est le fun. Parce que t'es Bruce Wayne à ce moment-là, t'es quand même très vulnérable. Non, c'est ça qui est le fun de voir aussi, c'est que t'es pas toujours le Batman super puissant qui va aller péter la gueule à tout le monde. Des fois, t'es aussi juste Bruce Wayne puis... la seule fois, puis c'est pas long. On s'entend, là. Mais tout ça pour dire, c'est vraiment... Tu vis le même personnage, mais autrement. Ça, c'est apprécié, tu sais. C'est pas une grosse différence, ça reste les mêmes contrôles, ça reste le même principe de jeu, sauf que de le voir dans un costume différent, ça aide beaucoup. Ouais, puis sauf que, c'est ça, t'as zéro pouvoir. Mais tu les acquiers tous au moment où tu enfiles ton bat à vie. Tu les acquiers pas tous, mais presque, parce que t'en unlock un peu. On reviendra là-dessus. Ben, c'est ce qui nous amène à parler du gameplay en tant que tel. On parle ici d'un third-person action-adventure game. On pourrait pas vraiment dire que c'est un shooter, puisque Batman ne se sert pas de pistolet ou de carabine. Mais les contrôles se finissent pas mal par se ressembler finalement à un third-person shooter, à l'exception de la mire qui n'existe tout simplement pas. Quand on appuie sur le left trigger, ben là c'est comme si on équipait notre gadget quelconque. Et puis le right trigger, la gâchette de droite, sert finalement à utiliser le dit gadget. Ouais, exactement. Non, moi ça me fait... Oui, je dis third-person action, mais... je vois vraiment aussi quelque chose de brawler un peu, comme les anciens jeux à la Streets of Rage, Final Fight, ces trucs-là, où c'est vraiment, oui, c'est un monde ouvert, tout ça, mais souvent, c'est des waves d'ennemis qui vont arriver à toi, tu vas te battre, tout ça. À travers ça, t'as tout le volet aventure, mais t'as vraiment un volet très présent pour le combat qui me rappelle un peu ça. Ben, c'est vrai que le cœur du gameplay lui-même est axé sur le combat à main nue, parce que ce qu'on veut finalement, c'est donner l'impression au joueur qu'il est Batman puis qu'il est assez puissant. Mm-hmm. Donc quand on se fait attaquer là, par une dizaine, des fois même une quinzaine de méchants à la fois, ben Batman il a quand même des contrôles assez fluides, on pourrait dire. Ah oui, ben ça, Rocksteady, la compagnie qui a fait le jeu, ont vraiment travaillé sur un système de combat qui fait en sorte que c'est fluide. Au lieu de vraiment... séparer chaque ennemi que tu vas attaquer dans une foule, les combos vont faire en sorte que tu vas finir de frapper quelqu'un, puis immédiatement ton prochain coup de poing, tu vas le faire à l'autre qui est en arrière, puis ainsi de suite. Donc la fluidité du combat est vraiment exceptionnelle. Puis c'est ce qui donne aussi des scènes assez plaisantes à regarder, des combats très intenses aussi, parce que justement Batman il court un peu partout, puis ouais. Il pète des yeux finalement. Hey, brasse camarade, c'est ça qu'il fait. Ouais, mettons, ça va prendre des petits cues plus préprogrammés que ça. Non. Mais dans le combat, l'avantage aussi, c'est que plus qu'on progresse, plus qu'on déborde, qu'on déverrouille, si on veut des gadgets, on peut s'en servir en plein combat, n'est-ce pas? Oui, les gadgets, on peut s'en servir un peu partout. Ils sont souvent utilisés pour résoudre des puzzles, pour aller chercher des collectibles, pour ouvrir des nouvelles portes, des accès à des nouvelles zones. Mais moi, ça, c'est le point que je voulais amener. C'est vraiment les gadgets de Batman qui me donnent l'impression de l'être Batman. Parce qu'on a toujours voulu avoir un pistolet grappelin, puis ça, c'est vraiment partie intégrante de la navigation dans la ville d'Arkham City, parce que Il n'y a pas vraiment de il y a aucun véhicule, premièrement. Non, c'est ça. Il n'y a pas de moyen de transport rapide. Faut vraiment y aller aérien si on veut se déplacer rapidement. Fait que l'idée d'utiliser son grappin, on se garnote en haut d'un bâtiment et puis du bord, on n'a qu'à se garrocher dans le vide et qu'on déploie notre cape de chauve-souris, nous permettant de planer ainsi comme ça à travers la ville pour se rendre d'un point à un autre. Ouais. On a l'impression d'être Batman. Quand on survole, on voit un ennemi, il y a immédiatement un petit message qui apparaît au-dessus de la tête du méchant qui nous indique qu'on peut lui faire une attaque aérienne. Et puis là, si on veut, on paye sur le petit piton, on tombe comme si c'était pas possible sur sa tête. On commence à se battre contre les autres aussi. Oh ouais, non, ça, dépendant de la façon dont on va approcher les ennemis, ils vont avoir différents combos, différentes façons d'attaquer, puis ça va faire que la bataille va être différente. Elle ne commencera pas de la même façon. Des fois, on va avoir un avantage. Des fois, on n'en aura pas. Donc, ça met une dynamique différente à chaque fois qu'on va décider d'approcher une bataille. Fait qu'avoir les gadgets, justement, ça l'aide. Des fois, ça va pouvoir utiliser un batarang pour créer la distraction. Ouais. Puis, tu sais, là, ils vont se demander c'est quoi qui se passe. Puis après, ça va pouvoir aller un peu plus sneaky-sneak en arrière. Puis, c'est ça, parce qu'il y a différentes... Il y a toujours des manières différentes d'approcher certains endroits. Parce que le jeu, il ne te dit pas comment attaquer. Il te donne toutes les options, puis comme c'est un jeu à air ouverte pour la plus grande partie, parce que c'est sûr qu'il y a des zones qui sont un peu plus petites, un peu plus renfermées, mais quand on est dans la ville, c'est vraiment libre à nous comment on va l'utiliser. Fait que des fois, ils vont nous mettre dans un scénario où oui, on peut arriver puis juste donner des coups de poing, comme autant qu'on va pouvoir justement passer par les toits, y aller tranquillement, passer dans une petite ruelle en arrière, puis faire distraction. Puis, donc c'est le Batman en soi qui en vient qu'à ressortir. Ouais. Ouais, et c'est exactement ça. C'est vraiment... Ils ont fait un très bon travail pour nous faire sentir Batman puis qu'on prenne des décisions comme si on était Batman. Puis ça, c'est fort apprécié. Ouais, ben il n'y a pas vraiment de choix à faire. C'est pas comme si tu arrives à la fin d'une mission puis appuies sur A pour sauver lui mais pour faire tuer l'autre. Je parle plus de choix dans le sens où comment tu veux approcher les choses. Comme c'est toi qui le décides, dans le fond, si tu décides d'aller en tapage sa gueule ou si tu veux y aller vraiment plus en stealth pour avoir moins à dealer avec un paquet d'ennemis à la fois, tu veux y aller plus... Oui, parce qu'il faut dire, les attaques furtives, c'est beaucoup plus long, oui, mais c'est beaucoup plus sûr aussi. On se fait pas détecter, on se fait pas tabasser, il y a des moyens de survivre beaucoup plus longtemps, tandis que si on décide d'y aller en combat ouvert, à ce moment-là, il faut vraiment bien manier le combat, les points. Puis les gadgets deviennent très importants au fur et à mesure que le jeu progresse, parce qu'évidemment, les ennemis vont devenir un petit peu plus forts, un petit peu plus habiles, un petit peu plus rapides aussi. Il faut noter qu'au début, on se bat contre juste les premiers de gang de rue, les petits nouveaux, là, ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience encore, on est capable de les descendre avec un bon coup de poing bien placé. Mais plus que ça avance, plus que les bonhommes deviennent gros, ils commencent à se promener avec des bâtons électrifiés, ils auront même des fusils, des guns, et puis d'autres aussi vont avoir des boucliers. Il y a toutes sortes d'ennemis. Plus ça avance, plus c'est compliqué. Les ennemis avec les bâtons, les ennemis avec les boucliers, il faut vraiment faire les attaques précises pour pouvoir les désarmer avant de pouvoir les attaquer. Faut vraiment penser à comment enchaîner nos combos rendus là. Est-ce plus juste du taper sur carré ou X ou peu importe le bouton? Ben moi, c'est ça que je faisais, puis ça marchait très bien au début. Ah, après ça devient moins intéressant, disons. Ouais, c'est vrai qu'il a fallu que je me ravise là-dessus puis que je finisse par apprendre mes combos. Non, c'est ça. Puis, veux pas, c'est sûr qu'il va y avoir des sections de jeu où on va être un peu imposé. Il y a une section où il faut vraiment que tu rentres, admettons, dans un musée puis que tu te fasses pas détecter ou des trucs comme ça où c'est beaucoup plus touché, beaucoup plus dur à approcher. Puis là, on nous force un peu le côté stealth de la chose plutôt que le côté combat. Mais c'est intéressant justement parce que c'est quelqu'un qui a jamais, admettons, joué le stealth, qui a juste tapé des gueules pendant on le force à utiliser cette mécanique. Ouais, c'est ça, exactement. Fait qu'au moins, il peut découvrir cette mécanique-là, puis ça, il peut se donner des idées après ça de comment l'utiliser pour d'autres scénarios qui va y être présenté à travers le jeu. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que je trouve que le jeu il est quand même très bien balancé. Là. On va te donner un petit peu de ça. On va t'obliger à faire un petit peu de ça. C'est un petit peu différent. Après ça, tu peux faire un petit peu plus de ça. On va jamais nécessairement répéter les mêmes « beats », entre guillemets. Mm. On va pas refaire les mêmes actions tout le temps. Il y a de la variété là-dedans, puis c'est ce qu'on aime beaucoup. Et à noter aussi, un des boss, des gros méchants de fin de tableau qu'on aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est le combat contre Mr. Freeze. Ouais. Parce que ça, c'est une des seules fois, je devrais dire, où on m'a vraiment imposé demander d'utiliser tout ce que je connais ou tout ce que je possède dans mon arsenal pour me défaire de Monsieur Freeze, parce que le petit maudit, il apprend. Ouais, ben c'est ça l'affaire. Moi, pour moi, ce combat-là, c'est vraiment l'exemple d'un bon game design. C'est que on te donne des trucs au fur et à mesure, on te donne des gadgets, on te donne des nouvelles techniques, on te montre comment le jeu marche, puis on arrive à un certain point où on te force à prendre toutes ces techniques-là que tu as appris, à apprendre, vraiment prendre tout ton savoir-faire de ce jeu-là, puis le mettre en application. Donc, pour expliquer vaguement comment ça se passe, on va commencer le combat. Mr. Freeze va se promener. Il y a plusieurs façons de pouvoir l'attaquer la première fois, sauf que du moment qu'on utilise cette façon-là de l'attaquer, on peut plus l'utiliser après parce qu'il a appris, il sait comment ça marche plus. Donc, évidemment, il va utiliser son gros canon à glace pour bloquer si c'était une flaque d'eau ou marteau piqueur. Il sait que ça pourrait réarriver. Fait que c'est pas comme les boss stupides de jeu ou de film qu'on voit que c'est toujours la même technique, puis comme ils réalisent pas que c'est ça leur point faible, puis... Fait que vraiment... Ouais, autrement dit, c'est pas comme les boss traditionnels où est-ce que t'as tout le temps une partie du corps qui flash et qui est en couleur très distincte. Là, non, que c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, faut vraiment que tu y penses. Puis la première fois, quand tu réalises que ta technique, elle marche plus, là, ça fait travailler parce que tu dis, OK, c'est quoi, comment je pourrais l'approcher la prochaine fois? Puis là, tu vas voir d'autres éléments dans l'environnement que tu te dis, OK, ça pourrait peut-être marcher. Tu sors tes gadgets, tu vois que ça marche. Puis là, tu te rends compte que là, ça marche plus. Fait qu'il faut que tu penses à d'autres choses. Beaucoup d'essais-erreurs. Oui. Moi, j'ai repris ce combat-là au moins 10 fois. Là, juste il est quand même assez punitif. Là. Il faut que toi-même t'apprennes parce que Monsieur Freeze, il en laisse pas passer. Non, mais c'est ça. C'est vraiment le joueur. C'est les capacités du joueur. C'est pas le jeu qui est cheap. C'est vraiment, faut que tu mettes tes skills à l'épreuve. Non, puis parlant de cheap, je regarde le temps passé, je trouve qu'on est rendu déjà à la moitié de notre bière. Mm-hmm. Je pense qu'on est rendu à la chronique demi-bière. Yeah! Alors, demi-bière, c'est là qu'on fait le compte-rendu de notre appréciation de la bière Brasse Camarade, de la Barberie. Je pense que tu avais un message à dire au niveau de la Barberie, hein, n'est-ce pas, Gaétan? Oui, on a remarqué sur la bouteille, c'est inscrit que cette bière rousse d'impact gustatif a aussi un effet social. Une partie des profits est versée par la Barberie au Fonds d'emprunt économique communautaire de Québec qui finance de petites entreprises. On aime ça. Ben c'est un bel apport social que la Barberie fait au niveau de la communauté. Puis comme leur site web l'indique, ils veulent s'impliquer et rendre la bière quelque chose de collectif. Ouais. À ça, moi, je lève mon verre puis je leur dis bravo, Barberie. Certain. Puis vous faites un maudit bon produit parce que sérieusement, cette Brasse Camarade, comme ça le dit, il y a un méga punch. Oui, vraiment. C'est pas une petite rousse faible. C'est pas de la Rickard's Red, mettons. Là, non, vraiment on pas. Est loin de ça. Là. Mais non, c'est vraiment une rousse qui a du corps. C'est sûr que c'est sur lit, donc c'est lourd un peu. C'est quand même pesant, mais c'est ce qu'on aime de ces bières-là. Ah oui, tout à fait. Puis j'allais dire, c'est épicé, pas dans le sens fort, mais tu sais... dire qu'il y a une petite touche de caramel. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, il y a vraiment plusieurs saveurs qui sont incluses là-dedans. Non, c'est vraiment une bonne petite bière. Ça vaut la peine d'essayer. Puis c'est pas... une bière qui est extrêmement chère non plus, donc ça vaut la peine de... Non, on n'a pas le droit de parler de montant d'argent. On parle pas de montant. On fait non. Mais on va vous dire que c'est quand même... C'est très abordable. Oui. C'est pas de la Pabst, on s'entend. Hey. Ça continue de même, la Pabst va avoir un Tumblr à lui tout seul. Ouais. Alors, si on continue dans le jeu de Batman Arkham City par Rocksteady, qui est sorti en 2009? Ou quelque chose... Ah, peut-être même plus récent. Regarde, on a la pochette ici, on va bon regarder Dieu, on a ça. La pochette. Non, mais... Probablement 2010, je dirais. Fin 2010. Ça dit 2011 ici. Ah ben tiens, tu vois, ça serait 2011 à ce moment-là. Ben tu vois, ça devrait être 2011, sinon la pochette nous ment. Donc, on va s'en venir pour 2011. Donc il y a 2 ans, on entrait dans Arkham City, qui est quand même un territoire moyennement vaste. Il y a quand même beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à explorer. Et parlant d'exploration, bâtard de bout de vierge, man. Le Sphinx et ses hosties de trophées, ça finit plus. Non, ça c'est sûr. Il y en a trop. Je veux dire, on s'était un peu habitué à ça dans le premier volet. Parce qu'il y en avait. Il était assez suffisant, bien éparpillé. Puis c'était pas le même scale d'environnement, on s'entend. Parce que, comme je disais, Arkham Asylum, c'était gros, mais c'était quand même des pattes assez linéaires. T'sais, c'était vraiment des corridors un peu plus que tu suivais qui menaient à des zones un peu plus grosses. Parce que l'avantage, c'est pas autant un avantage, mais c'est la particularité plutôt de Arkham Asylum, c'était c'est sur une île. On a un immense institut psychiatrique qui est là avec plusieurs pavillons, puis ils sont tous reliés par une grande cour extérieure. Donc, on avait des éléments plus ou moins ouverts alors qu'on se promène à l'extérieur de pavillon en pavillon. Mm-hmm. Puis, plus que le jeu avance, ben, plus que du monde ou plus qu'il y a des obstructions d'entrée de pavillon ou pas. Puis c'est les intérieurs qui faisaient la grosse différence parce qu'on arrivait dans le level de quelque chose ou le level d'un autre quelque chose. Mm-hmm. Là, au niveau d'Arkham City, tout est ouvert, c'est encore plus grand, puis encore plus d'intérieur. Oh oui, je veux dire, non seulement t'as les zones principales où les missions vont se dérouler, mais t'as aussi des zones pour des missions secondaires qui vont être à côté que tu peux aller voir puis explorer un peu. Mais là, c'est ça. Niveau exploration, on a communément appelé le Sphinx, le Riddler. Ouais. Cet enfoiré a décidé de placer pas moins de 400 énigmes à travers toute Arkham City. Ce qui n'est pas un petit lot. C'est pas un petit détail. Non. Faut quand même lever notre chapeau à l'équipe qui a décidé d'intégrer tous ces puzzles et ou challenges-là. Tout à fait. Puis ils sont pas tous pareils. Et, la plupart d'entre eux vont être sous forme de trophée. Alors, on va avoir un petit trophée en forme de point d'interrogation vert, dis-je, qui est caché dans une petite cage. On le voit, mais il faut qu'on trouve le moyen d'ouvrir cette cage-là. Puis pour ce faire, il faut repérer les différentes plaques qui sont soit sur des murs ou sur le sol où on retrouve encore une fois un point d'interrogation. Ouais. Il faut pouvoir peser dessus et activer la petite cage. Sinon, il faut lancer des batarangs pour activer ces dites plaques-là. Sinon, il faut plonger à toute vitesse, à toute allure. Puis tant qu'on n'a pas cette habileté-là de débarrer, on n'aura pas accès à ce trophée-là. Donc, au niveau progression du jeu, il n'y a pas moyen de les avoir toutes avant la toute fin du jeu. Exactement, exactement. Ça aussi, c'est une bonne façon, je trouve, d'intégrer la progression dans un jeu. C'est de... Oui, il y a des trucs qui sont là, tu les vois, mais tu peux pas les avoir là. Ça veut juste te présenter le truc. C'est comme, OK, tu vois le petit bonbon qui est là, là, ben viens le chercher. T'sais. Ce qui m'amène à parler d'un autre feature aussi, on appelle le mode détective dans le jeu. Ouais. À l'aide d'un bouton, on va transférer toute la vision de Batman en mode si on voudrait infrarouge ou quelque chose comme ça. Je pense que ta mousse, ça va déborder. Non, tout va bien, tout va bien. Oh, pas pire, pas pire. T'as des skills. J'ai de l'expérience dans le domaine de la mousse. C'est bon, ça, c'est bon. Ça. Donc, le mode détective, justement, sert à... mettre en valeur les points d'intérêt que Batman pourrait utiliser et ou susciter son intérêt pour, disons, une investigation quelconque pour retrouver tel méchant qui vient de faire tel mauvais coup. Ouais. Mais dans le cas du mode de détective, ce que ça fait, quand on parle des maudites crises de trophées de marde qu'il y en a trop, entre autres, c'est qu'on peut au moins les taguer parce qu'ils sont pas représentés sur la map de prime abord. Donc quand on en voit un et qu'on sait qu'on n'est pas capable de l'avoir, ben un simple bouton permet de... placer un marqueur permanent sur la carte qui nous permettra plus tard d'y retourner, moyennant quelques missions plus tard et avoir quelques habiletés de plus. Ouais. Ainsi, nous permettre, après une demi-heure de tentative, de refaire et refaire. Il y en a un, écoute, j'ai passé tellement de temps sur celui-là là, jusqu'à ce que je finisse par catcher qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Je vous le mets en contexte, je suis à l'intérieur d'une espèce d'usine, il y a une fonderie, il y a une petite cage avec des barreaux. Puis il y a mon trophée dedans. Ouais. Là, je sais pas comment le pogner parce que moi, je me mets en mode détective. Puis il n'y a rien qui me montre que ces panneaux-là vont s'ouvrir, que ces barreaux-là vont s'ouvrir avec un panneau électrique cachant quelque part. Évidemment. Là, il faut comprendre que je peux ouvrir la porte de la chaudière de la fournaise à côté à l'aide de mon bat-claw. C'est pas comme le Garden Claw. Il faut faire la différence. Ouais, ouais, parce que le Garden Claw, lui, c'est juste pour faire rire de toi. Puis essayez pas de faire du jardinage avec un bat claw, ça marchera pas. Là, en fait, c'est plus pour déjardiner ton. Mettons que tu veux plus de jardin, là, ben tu prends le bat claw. Ouais, le bat claw, là. Ça arrache. Mais ouais, tu peux. Donc, c'est ça, je rouvre la porte de la foutue fournaise, puis je me dis, ah tiens, je vais pouvoir lancer un batarang téléguidé là-dedans, passer à travers l'espèce de petit tube qui m'amène à cette cage-là. Et ainsi ouvrir, toucher l'espèce de petit panneau électrique qui se trouve à l'intérieur. Erreur! Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait de l'électricité dans cette affaire-là. Évidemment. Mais il n'y a pas de source électrique. Parce qu'évidemment, des fois, il faut qu'on trouve des petites flamèches électriques là, qui tournent. Puis en lançant le batarang dedans, le batarang lui-même va s'électrifier et il va apporter avec lui de l'électricité supplémentaire pour activer ces petits panneaux électriques-là. Donc, après 15 fois d'envoyer ça, puis que ça marche pas, je comprends qu'il faut que j'utilise l'électricité, mais elle est où? 15 minutes plus tard, une fois rendu beaucoup plus loin, dans le même niveau, alors que j'ai dû lancer des grenades glacées pour me faire des plaques de glace sur l'eau, dans les espèces de canalisations souterraines où il y a des vis méchantes qui veulent juste m'éviscérer. J'arrive à côté du seul point électrique que je vois. Et là, je me dis, calice, il faut que je pitche un batarang, que je pogne l'électricité, que j'y fasse faire un U-turn, que je l'amène au ras de l'eau pour passer dans le seul trou que je vois, que je le fasse remonter pour passer dans le seul autre trou que je vois, que je le ramène dans la première pièce que je me trouvais, que je le ramène dans le trou de la fournaise, de la porte que j'ai ouvert, que je le fais passer dans l'espèce de coude pour aller pogner la petite boîte électrique. Pis ça, c'est pas nécessairement évident à faire avec une manette. T'sais, soyons honnêtes, ça marche bien, mais pas tant que ça. Ben c'est là que le pilote en soi se manifeste. Est-ce que vous êtes plus inverted look ou pas? Ça fait toute la différence. C'est là que des couples se séparent. Littéralement. Si un est inverted puis l'autre pas, c'est vraiment pas bon. On n'ira pas dans les détails, mais. Non. Mais quand je l'ai eu, par exemple, j'avoue qu'une chance que je tenais pas ma bière pleine dans mon verre, dans ma main, parce que. Ben, tu vois, ça c'est quelque chose que j'ai aimé sur PC, c'est que le batarang en question, un coup qui est lancé, se contrôle avec la souris, donc haut, bas, gauche, droite. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être précis dans ses mouvements. C'est pas nécessairement une tâche facile parce que ça reste un labyrinthe à faire, mais même. Un labyrinthe qu'on doit découvrir par soi-même aussi. Il faut l'analyser. Mais j'ai aimé la précision de la chose. Mais vraiment, ces puzzles-là peuvent être très, très, très frustrants. Ouais. Mais en même temps, c'est gratifiant un coup que tu l'as. Fait que y a quand même un bon reward après. Ouais. D'autres puzzles du Riddler, en soi, ça, c'est des points d'interrogation qu'il a lui-même peinturés sur certains murs, qu'on ne voit seulement qu'en mode détective. Donc, il faut... non, je pense pas. Faut-tu absolument être en mode détective? Enfin, bref, ce qu'il faut faire, c'est aligner le point du point d'interrogation avec le top du symbole, l'espèce de 6 qui manque... c'est pas de beden, finalement. En gros. Et il faut aligner les deux, mais tu sais, des fois, le point lui-même se trouve à 100 mètres. Non, c'est ça. Faut vraiment penser. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé aussi, le mode détective, parce que, en fait, dès le début, on nous le présente quand on va dans le courthouse. Il y a une balle qui traverse la fenêtre. On se demande d'où est-ce qu'elle vient, qu'est-ce qui se passe. Donc, en passant au mode détective, on peut vraiment regarder autour de soi. Là, il va y avoir, mettons, la vitre brisée à terre. C'est un élément. Il va y avoir le trou dans la vitre. Fait qu'en additionnant plusieurs éléments ensemble, là, ça va débloquer vraiment une cinématique de « Ah, OK, c'est cette trajectoire-là que la balle a dû avoir, donc la personne devrait être autour de cette région-là. » Parce qu'il ne faut pas oublier que Batman essaie de résoudre des crimes. C'est comme si c'était un super policier, finalement. Mais c'est ça. Batman, c'est aussi un détective. C'est pas juste un super-héros qui tape sur des gueules. C'est un détective. Je veux dire, il y a des gadgets pour ça. Ouais. Donc, c'est ça. Le mode détective permet, justement, atténuer les moments d'action dans Arkham City. Parce que on nous amène... dans un état d'esprit où on doit être un petit peu plus analytique, on doit observer notre environnement. Des fois, c'est aussi simple que de suivre des traces de pas laissées par infrarouge au sol, que, comme tu disais, là, analyser l'angle de pénétration d'une balle à travers une fenêtre et ainsi déterminer le point d'origine de cette balle qui nous amène à un clocher et où le Joker se trouvait. Oui. Parce que le Joker... C'est pas un spoiler. Ne vous inquiétez pas, c'est très tôt dans le jeu. OK. Ben, spoiler alert, là, on va le dire parce qu'il y en a un. Spoiler. Le Joker, il est dedans. Ouais, ben là, c'est plus vraiment un spoiler parce qu'on l'a dit, mais tout ça pour dire... Non, non, on est au clair. Le Joker, il est dans le jeu, puis c'est lui le méchant. Ouais, exactement. C'est pas le seul méchant parce qu'il y en a plusieurs. On a parlé de Mr. Freeze, mais... On pourrait parler que c'est... Ben, en fait, c'est le méchant qui revient systématiquement là, après chaque acte, si on veut. C'est sûr, je veux dire. Le Joker a vraiment une place importante dans l'univers de Batman. Donc, c'est normal qu'on le voit revenir. Il va toujours être là. Ouais. Puis, considérant que Batman ne peut pas tuer personne, il tuera jamais le Joker. Donc, le Joker va toujours être présent. C'est sûr et certain. Si quelqu'un d'autre décide de faire la peau du Joker. Ouais, mais je pense pas que ça va arriver. Faudrait, mais non. Alors, pour plein de bonnes raisons, Batman Arkham City, c'est de quoi... c'est de quoi essayer. C'est probablement, en tout cas selon les critiques, le meilleur dans la série parce que Arkham Origins a souffert, du succès du C'est ça. C'est sûr que c'était dur de faire une suite à Arkham City parce qu'Arkham City, c'était... Ils ont pris toutes les mécaniques d'Arkham Asylum puis ils ont fait exploser pour que ça soit meilleur, que ce soit peaufiné, que ce soit beau, que ce soit gros. C'était vraiment dur après ça de faire un « OK, on fait une suite à ça ». Le studio a changé aussi. C'est plus Rocksteady qui fait Arkham Origin. C'est Warner Brothers à Montréal. Donc, ils ont essayé de reprendre exactement les mêmes mécaniques, tout ça. Sauf que ça n'a pas nécessairement marché comme ils auraient voulu. Ils ont essayé d'améliorer beaucoup les mécaniques, mais c'est correct, c'est pas mauvais. C'est juste, on s'attendait à plus parce que Arkham City était si gros. Donc, puis aussi, paraît qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs dans le jeu qui n'ont pas eu le temps d'avoir été fixés et tout ça. Ah, mais là, on parle du côté négatif, puis faudrait... Bon, on n'est pas là pour être pessimiste quand même. Là. Non. Je veux dire, Arkham Origins demeure une excellente expérience de jeu en tant que Batman. Ben, je veux dire, personnellement, je ne l'ai pas joué. J'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup de critiques. Non, c'est ça, hein, on était un petit peu en retard. C'est ça, c'est d'où la raison pourquoi on parle d'Arkham City. Mais... Non, c'est ça, les commentaires beaucoup que le monde dit, c'est ça a du potentiel, sauf que c'est falls short, tu sais. Ouais. On s'attendait vraiment à plus. Un autre exemple de jeu qui en arrivait à sa troisième itération, puis que ça a changé de studio à ce moment-là, mais qui malheureusement s'est planté lamentablement, c'est Ninja Gaiden 3. On met ça... Qui a passé de Team Ninja à Namco. On ne parle pas de Ninja Gaiden 3. Ça n'existe pas, c'est vrai. Je sais pas de quoi tu parles. Le son, la sonorité, ça me dit de quoi, mais on n'en parle pas. OK, c'est bon. Mais pour en revenir à ce que comment Arkham City était si gros par rapport à Arkham Origins, bout de vierge, là, on peut jouer en tant que la femme chat, Robin, ouais. Nightwing. Ouais. C'est quoi ça? Mais en fait, c'est ça. Il y a plusieurs DLC, des downloadable content qui ont été... Autrement dit, c'est des matériels supplémentaires téléchargeables. Donc, c'était beau comment est-ce qu'on le dit en même temps. Ah, c'est beau, là, j'aime ça. Mais non, c'est ça. Donc, ce contenu-là ne vient pas avec le jeu de base. Faut aller chercher par après le payer aussi parce que c'est pas donné. Ben, on dira que la Armored Edition de Arkham City qui contient tous ces contenus. Oui, ben en fait, t'as le Game of the Year Edition que tu peux aller te chercher, voilà. Qui est probablement le même prix que le jeu normal à Star parce que c'est tellement vieux. Mais qui va avoir vraiment tout le contenu supplémentaire avec. Puis vraiment, ça vaut la peine, juste pour jouer avec les autres personnages. Puis ça, c'est le bout que j'ai vraiment aimé, c'est que passer d'un personnage à l'autre, c'est vraiment pas le même style de combat, c'est pas les mêmes contrôles. On s'attend les contrôles de base vont rester les mêmes. L'avancer, sauter, on peut pas faire des miracles, là. Mais ouais. Chacun a des gadgets différents. Donc... Faire la vaisselle aussi, est-ce que c'est les mêmes boutons quand on... Je sais pas, parce je pense... Parce que après une dure journée de brasse camarade avec Batman, il faut être capable de revenir à ses tâches ménagères. Je pense que Batman tourne, quand il suit ses assiettes, il tourne vers la droite puis Robin vers la gauche. On sait pas trop pourquoi. Ah, là, les opposés s'attirent. Hein? C'est ça. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, vraiment, c'est intéressant à jouer. Moi, j'ai pas essayé tous les personnages. J'ai essayé, ben en fait, dans la version PC, t'as les portions avec Catwoman qui sont intégrées dans le jeu. Donc, j'ai pu jouer l'émission avec Catwoman. Puis, c'est vraiment complètement une autre façon de jouer. De la façon que les combos vont s'enchaîner, puis tout ça. Catwoman, elle peut grimper sur les murs, vraiment avec ses griffes. C'est beaucoup plus agile. Ouais, si ouais, on veut, oui, dans vraiment. La navigation, du parce moins. Que elle, la plupart de ses missions, ça va être des vols dans des banques, des trucs comme ça où il faut vraiment être plus agile, voilà. Et sneaky. Mais, c'est ça qui se passe. Mais quand même, la portion combat est assez différente. Puis ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Juste quelqu'un qui a vraiment adoré le jeu, qui veut continuer l'expérience, mais qui veut pas refaire la même chose, c'est parfait. Je veux dire, il va aller chercher le contenu téléchargeable, va jouer à ça. Il va quand même garder le même core gameplay d'Arkham City, mais en ayant un autre style de gameplay un peu avec les personnages. Puis c'est toujours le fun aussi de revoir Robin. Puis, Ben, je sais pas si c'est le fun de revoir Robin tant que ça, là, parce qu'on va tous... En tout cas, on essaie tous d'oublier l'épisode de Chris O'Donnell. Regarde, on va pas là, encore là. Je sais pas de quoi tu parles. Il y a jamais eu Alicia Silverstone dans un film de Batman. OK, c'est bon. On oublie ça. Parfait. Je regarde ton verre de bière, là, je trouve qu'il arrive pas mal à la fin. Est-ce que c'est le temps de rapper la première édition de la Taverne du Joueur? Ça ressemble à ça. Alors, nous, on s'était dit, on s'était donné comme mandat, finalement, de donner un verdict. Est-ce qu'on est plus bière ou on est plus jeu? Là, évidemment, nous, les auditeurs, vous, les auditeurs qui nous écoutez, vous allez dire, ben, vous avez pas mal plus parlé du jeu que de la bière. Comment se faire un propre opinion? C'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, c'est de dire un, l'autre ou les deux. Voilà. Fait que là, ça voudrait dire, si on dit un, ben c'est un. Si c'est l'autre, c'est l'autre. Ça veut dire que la contrepartie est pas mal mise à l'écart. Ouais. Mais si on dit les deux, ça veut dire que c'est un match parfait. Ouais. Pour ma part, je vais commencer avec mon premier verdict. Oh, bah, vas-y, vas-y. La toute première édition. Je vais laisser la parole à mon frère Gaétan pour son verdict. Tu vois, je pensais que c'était toi qui allais faire ton verdict, mais bon, on va y aller comme ça. Dur à dire. J'irais que le jeu... pas parce que la bière est pas bonne, mais parce que le jeu... Je veux dire, j'ai toujours été un gros fan de DC Comics, beaucoup plus que de Marvel, puis tout ça. Donc, pour moi, Batman, je veux dire, depuis que je suis tout jeune, ça vient toucher une corde sensible. Puis c'est une des premières fois où vraiment je me suis senti Batman dans l'univers de Batman, puis tout ça. Je veux dire, Arkham City, je l'ai fait en une semaine, quand je l'ai eu sur PC. OK, quand même, t'as joué pas mal. Ouais, et puis on s'entend, dans une semaine, je travaillais, là. Tu sais, j'ai pas passé une semaine complète chez nous en bobette avec des Doritos en train de jouer, là. Non, mais c'est ce que tu faisais chaque nuit avant de retourner travailler, par exemple. Oui, soit des Doritos ou des Cheetos, mais ça, en tout cas, on créera pas un débat là-dessus. Mais tout ça pour dire, c'est vraiment une expérience qui vaut la peine. Si vous êtes fan de comic book, de super-héros, si vous êtes surtout fan de Batman et de DC, c'est sûr que vous allez aimer ça. Ceux qui sont pas nécessairement fans de ça, mais qui adorent les jeux d'action à la troisième personne, essayez-le, ça vaut la peine de l'essayer. Laissez-vous pas impressionner parce que c'est Batman, puis c'est trop nerd ou trop geek, puis je connais pas l'univers, puis tout ça. Non, non, non. Ça vaut la peine, essayez-le, c'est vraiment pour tout le monde. Mais quand même, mention spéciale à la bière parce qu'elle est très bonne. Donc, je choisis le jeu pour l'expérience, mais je dis pas non à la bière pareil. En tout cas, pour ma part, mon verdict est les deux. Parce que finalement, moi, je ne joue pas à un jeu vidéo sans boire quelque chose à côté. Que ce soit un petit jus de canneberge ou une bière. Je trouve que Brasse Camarade, c'est quelque chose qui vient vraiment rechercher le côté en moi. Viking, parce que je regarde le logo de la Barberie là, puis le beau casque en métal avec les cornes, là, ça donne casque, envie de varger de sûr, tu sais. Le casque, le bouclier, les belles petites têtes de taureau, non, c'est beau. Ouais, voilà. Donc, en tant que Batman, moi, ce que je veux, c'est varger, tu sais, Évidemment. Varger de sûr. Oh, oui. Et puis, non, c'est ça, les deux, un peu comme tu dis, là, pour l'expérience de Batman, premièrement, dans le jeu, parce que j'ai vraiment senti que j'incarnais Batman. Exactement. Tu sais, je trouve que on est un homme, on est un super-héros, on est puissant. Le personnage, on sent qu'il est pesant. Il y a beaucoup de masse à déployer et à bouger avec ce gars-là. Sinon, la bière en tant que telle a beaucoup de corps, a beaucoup de volume, a beaucoup de personnalité aussi. Je trouve que c'est un beau mélange. Puis j'aurais aucun problème à voir Batman se claquer une Brasse Camarade après une bonne nuit d'action comme libérer Gotham des malfrats de la rue. Exactement. Puis considérant que c'est une bière forte, on s'entend c'est 6.5, ça fait décompresser, tu sais, on se le cachera pas. Oh ouais, puis on s'entend, le Batman il a besoin de décompresser solide. Là, après. Ouais, dans le fond, lui, il serait peut-être plus genre de l'absinthe, là, tu sais, quelque chose du genre. Là. Ben, en tout cas, on pourrait l'appeler parce que j'en ai une bouteille ici qui traîne. Bon, tu vois, fait qu'il pourrait peut-être venir t'en piquer un peu. Ouais, as-tu le numéro à Bruce Wayne, toi? Non, tu vois, il me l'avait donné, mais il a changé de téléphone, puis j'ai perdu. On l'avait invité pour ce soir, puis malheureusement, il pouvait pas être là. Hey, non, là, on espère qu'il est allé faire de quoi de plus important que d'être ici, mais bon. J'en ai des doutes, mais bon, on s'assinera pas. Alors, ceci conclut cette toute première édition de La Taverne du Joueur. Beaucoup plus d'émissions à venir. Si on fait une espèce de petite projection dans l'avenir, qu'est-ce qu'on pense faire des critiques mélange de ça va dépendre des jeux qui vont s'en venir. C'est sûr que là, le gros jeu du moment, ça reste encore Grand Theft Auto. Donc, on va y arriver éventuellement. Tout est une question d'y jouer assez puis d'avoir une bonne bière sous la main. Ce qui devrait être bientôt. Je veux dire, toi, t'as déjà le jeu, tu y as joué. J'y ai joué quelque peu. Je t'ai vu boire de la bière en conduisant. C'était fantastique de voir Gaétan conduire un véhicule dans Grand Theft Auto à une main sur la manette et avoir une bière dans l'autre main, je vous jure, c'était de tout. Tout en m'échappant de la police pendant plusieurs kilomètres. Ça, c'était tout un exploit et ça sera à refaire. Mais les autres jeux, je veux dire, comme on vous l'expliquait, c'est que on n'est pas enchaînée à la modernité ou à la nouveauté tant que non. ça. Là, je veux dire, c'est une question de mélange, c'est une question d'expérience surtout, parce que tu sais, c'est pas parce qu'un vin date de 1998 qu'on peut pas le boire puis l'apprécier. En fait, moi, honnêtement, j'ai toujours comme idée que on joue à ce que ça nous tente de jouer. On joue pas à ce qui nous est forcé de jouer. Ouais, effectivement. Honnêtement, je jouerais pas à Call of Duty Ghost parce que ça m'intéresse pas assez. Ouais, pis on n'a pas envie de boire de la fin du monde en même temps. Non, t'sais. C'est okay. ça. Fait que, tu sais, il y a des jeux que même si c'est des grosses nouveautés, non, on les couvrira pas. Ouais, mais parce que dans le fond, si t'as joué à GoldenEye, tu sais c'est quoi Call of Duty. Ouais, à peu là, près. T'sais. Mais en même temps, s'il y a des jeux plus vieux qui nous intéressent encore, qu'on a redécouvert récemment ou qu'on veut se faire découvrir, je pense que c'est vraiment la place pour ça. Puis en même temps, tu sais, c'est. Faut pas oublier que ça reste une discussion en buvant de la bière, puis ça rien de trop professionnel non plus. Là. C'est vraiment. Oh, ça rien de sérieux. On s'en rien... sérieux. Exactement, hein. Exactement. On est là pour se bidonner, puis pour partager surtout. Faut rigoler, hein. Ouais, du coup, alors, ouais, hein. Oh, putain, c'est le pied. Ok, il va plus jamais dans cette direction-là. Sinon, je te mets à la porte, puis je change de frère. Alors, tout ça pour dire que. Tout ça pour dire que notre but ici est de, comme on disait, partager les choses qu'on aime bien. Toujours seulement si c'est des bières et des jeux vidéo. En exactement. Même temps. Alors, ceci conclut cette toute première édition de La Taverne du Joueur. Au nom de Gilles Cassette et de Gaétan Cassette. À la prochaine semaine.